Ah non, il est passé par là, le... tu cherches le lundi 20 novembre, là. Il vient de tourner, là, ici à gauche. Toutes les... Ouais. Ben, en courant, il criait « Errance, errance ». Puis celui qui courait après lui, il dit « Générique ». Il disait « Générique ». Non, il dit... Attends, spécial. Non, non, non, monsieur, attendez. Non, il dit pas « Il disait « Générique » parce que c'est du passé, là. C'est du passé, mais là, nous sommes dans le présent. Avez-vous compris que ça part... Ouais. Mais elle continue... il court encore après, là. Oui, mais même si c'est du pas... Nous sommes... Le lundi. Ben oui. Le 20 novembre. Du mai. Oui, monsieur, générique va partir. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci, l'artiste. Oui, merci. On doit repasser le... Je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est pas... J'ai oublié de présenter mon émission. J'ai oublié de dire lundi, là. Ah! T'es trop occupé à me déconcentrer. Crazy, hein? Ça promet? Ça promet. Ah oui, moi, je vous dis que... OK, on va reprendre. C'est du professionnalisme. Merci, l'artiste. Merci, l'artiste. C'est du professionnalisme. Ça, j'ai jamais produit avant, là. C'est la première fois, je vous le jure. Monsieur le curé, c'est-tu des années d'enfer, cette affaire-là? Deux, trois jours? Là, je vous conseille. Je vous conseille. Non, j'ai rien à vous conseiller, monsieur le curé. Mais nous sommes... le 20 novembre... 2017... Monte le volume, puis hume la différence. C'est parti, mon kiki. Bon, on l'a eu. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ben non, t'es pas belle quand tu pleures. Mais t'es pas belle quand tu pleures pas non plus, là. Tu parles d'une ouverture d'émission. C'est pas gentil. T'es pas gentil, toi, dans la vie. Si tout le monde pouvait te donner une petite larme de gentillesse. La gentillesse, c'est comme une fleur que l'on sème. Pourquoi tu dis ça, c'est comme une fleur que l'on sème? Ben oui, la gentillesse, c'est quelque chose qui est tellement apprécié lorsqu'on la regarde ou lorsque... Voyons donc, toi, la gentillesse, tu regardes ça, la gentillesse, toi? Comment tu regardes ça? T'as-tu des yeux pour regarder la gentillesse, toi, là? Wow! T'es en train de nous... Non, non, non, non! C'est pas parce que tu comprends pas ma subtilité. Ouais, ta subtilité, subtilité. Ma. Un autre qui veut nous vendre de la salade, mais de la salade périmée! Comment ça, périmée? Périmée! C'est bien ton écho, ça? Mais ça, tu devrais le vérifier avant. Tu te casses les oreilles, là, ça saigne, puis hein, la gentillesse! La gentillesse, c'est pas arrivé comme ça, là, du jour au lendemain. C'est comme une fleur que l'on cultive! Il est complètement malade, non! T'aimes pas ça, la culture, toi? T'aimes pas ça cultiver? Tu veux rester dans ta petite médiocrité, dans ton 2,5 pour éclairer? Écoutez, à regarder la neige de ta télévision parce que t'as jamais viré numérique. Et juste pour ça, je t'apprécie, mon champion. Reste analogique, puis reste dans ta neige. C'est merveilleux. Parce que là-dessus, là-dedans, comme dans « Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard, lorsque la dame enceinte passe la main sur la télévision qui, elle, diffuse cette neige-là, il y a une chanson de Tom Waits qui s'enchaîne. Pour les néophytes, ils diront qu'ils embarquent. Mais c'est pas un cheval, madame. Là. Monsieur, c'est pas un cheval, ça. Là. C'est du cinéma. Donc, le cinéma a un lexique, comme la littérature. Et puis, d'où part le lexique du cinéma? Ben, c'est exactement de la littérature. Parce que c'est un art nouveau, le cinéma. Qu'on se le dise. Hey, moi, j'essaye de le dire à tout mon entourage, mais ils ne veulent rien savoir. Surtout le lundi, hey, on veut rien savoir de la vie, on s'en balance dessus que la littérature, c'est le cinéma a amené le lexique à travers la littérature. C'est pas ça que je t'ai dit, moi, là! Je t'ai dit que le lexique du cinéma vient de la littérature. Ne défais pas mes paroles qui sont exceptionnelles. Oh mon Seigneur, regarde-moi l'autre. Regarde-moi l'autre, il se prend pour le nombril du monde. Tiens, il dit nombril en plus. Pourquoi tu dis pas nombril? Nombril! Nombril! Comme imbécile! C'est pas la même chose, imbécile et nombril. Quoique, je reconnais à travers le nombril de certaines personnes l'imbécilité qui en découle. Ah, oh, mon Dieu, t'as le nombril qui coule, toi. Ah, c'est pas bon pour la santé. Va faire des prélèvements. Non, mais moi, à ta place, là, comme... Tu haïs les hôpitaux, comment je peux les haïr? Oh, moi, j'haïs pas ça, les hôpitaux. J'ai fait une croix dessus sur le Google Maps. Là. Je veux rien savoir des hôpitaux. Je mets des croix là-dessus. Je veux rien savoir des hôpitaux, des croix là-dessus. J'ai toujours dit, moi, là. Et je le dis encore. Je suis pompé. C'est de toute beauté. J'aime ça me voir de même, moi. Ah! Non, ben oui. Oui, on dirait que les hamsters tournent à 200 000 à l'heure, là, puis je vois la vapeur qui sort de ça. Puis sans dire que les troupettes des hamsters, là, ils ont mangé de la grenache, de la garnotte. En tout cas, ils ont mangé de la garnotte, puis ça vire ensemble. Mais là, c'est pas la garnotte des hamsters que je vais te parler, moi, là. Moi, je vais te parler des affaires que j'ai perdu le fil. Coulisse, c'est pas là, la coulisse, hein, monsieur. Parce que lundi, elle avait pas, le dimanche, elle avait pas travaillé. Ah, non. Elle s'est dit, là, moi, là, la fin de semaine, ça va, mais quand c'est le début, là, je perds du monde, moi, là. J'en ai perdu du monde. Même moi, je suis pas du monde, le lundi. J'haïs ça. Il y a une chanson qui dit j'haïs les dimanches. Moi, c'est le lundi. Abolissons le lundi, mais j'ai bien peur, parce que si on l'abolit, on va enlever mon émission. Ce serait triste. Pas drôle, ça, là. C'est triste, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Bye bye. Ah, j'ai toujours voulu commencer mon émission. Bonjour, c'est Rénal, ça va les enfants? À qui tu parles, toi, là, à ta ratata? Non, je parle à mes auditeurs. C'est pas des enfants, c'est des adultes. C'est des gens de 18 ans. Puis même s'il y a des adolescents, heureusement qu'il y a des adolescents. Ceux qui sont devant leur copie, là, ils s'en vont remettre un travail en français, en littérature française. Littérature française! T'aimes ça la littérature française? T'aimes ça le français? Mais... Le professeur dit pas français, lui, il dit français. Littérature française. Parlons du français. Ici Radio-Canada. Canada. Mais non, mais c'est de la littérature française, c'est faite pour les francophones. Pas juste faite pour la là-bas, là. C'est fait pour tout le monde qui me comprenne. Il n'y a personne qui me comprend. Ça fait 11 ans qu'on ne te comprend pas, champion. Vas-tu comprendre? Moi, je comprends pas, moi. Bien, c'est ça, c'est comme le français. Il n'y a personne qui comprend ça, le français. Hein? Qu'on dit à des êtres, là, quand on répète souvent, là, que voyons donc, comprends-tu? C'est quoi l'adage? Comprends-tu le français? Prends-tu du français? Veux-tu un français? Des oignons français? Aimerais-tu entendre des bons oignons français? J'ai jamais aimé ça, les oignons français, moi. Moi, des oignons, c'est des oignons. Puis de la friture, c'est de la friture. De la frite, c'est de la frite. De la patate frite, c'est de la patate frite. Mais des oignons français, bah, c'est... Puis là, ben oui, Sophie me le dit souvent. Ben oui, mais... Elle n'a pas une voix comme ça, Sophie. Elle a une voix au perché, plus haut que moi. Parce qu'elle s'est fait opérer pour les amygdales quand elle était petite. Puis quand elle a commencé à parler, oh non, ça restera pas de même. C'est resté le même. Bonjour Sophie. Non, elle m'écoute pas, c'est pas grave. Il y a personne dans mon entourage qui m'écoute. Moi-même, je m'écoute pas tant que ça, là. Pas facile d'essayer de s'écouter, là. Il y a des chanteurs qui sont de même, là. Mais qu'est-ce que tu voulais? Oignons français, ben c'est ça. Moi, les oignons, c'est des oignons, des français, c'est des français. Puis mélanger oignons français, c'est comme mélanger un... Non, merci. Non, je rentre pas là-dedans. Non, non, non, c'est trop... Non, madame, c'est trop facile. On l'a dit souvent, mais c'est plus vrai, là. C'est plus... Je sais même pas si ça a déjà été vrai. Bon. Vous comprenez pas ce que... Mais tant mieux. On l'est là... On va pas aller là-bas. On n'ira pas plus. On va s'arrêter. C'est le principe. C'est maintenant qu'on s'y... Ah, sens-tu la guillotine? On sent la guillotine tomber, tu sais. Moi, là, avoir été un bourreau à l'époque de la guillotine, j'aurais pas mis la tête en bas. Si, pour ceux qui ont commis, ben là, encore là, on le sait pas, là. C'est pas si c'est vrai qu'ils ont fait une grave erreur, puis on va trancher leur tête. Je compte ça, moi, la peine de mort en passant. Mais pour leur faire peur pour une dernière fois, tu mets la tête, tu mets pas la tête, mais tu mets l'homme ou la femme pour voir la lame arriver. Parce que là, c'est une surprise, il sait pas, il attend, là. Puis là, le bourreau, il a des problèmes avec son couperet, avec sa lame. Oui, alors, je suppose... T'as-tu oublié de huiler ça, mon Ryan? Ça fait 2 ans que t'as pas gagné. Moi, ça, la roue, il est poignée là-dessus. Je pense que la tête pourra pas tomber. Hein. Puis si ça tombe pas assez rapidement, ça va juste trancher un peu. Vous allez souffrir, monsieur Chauve. Ah, mon doux. J'aimerais pas ça être à votre place. Puis là, on va demander. Peux-tu. Ouais. 2 gars d'entretien ménager, s'il te plaît. Parce que là, on a juste un, mais si ça dégouline, puis tu sais, toutes les. Ce qui va sortir, là, ça coupera pas très net. Ce sera pas net. Ça risque d'être sale, hein, s'il vous plaît. Et puis, regarde-moi l'autre qui elle a voulu s'habiller en blanc pour son mari. Ton mari va partir, tu sais, mais ça va se ploucher partout sur toi. Tu veux garder ça en souvenir, vendre ça sur eBay, hypocrite! Parvenu! On t'a reconnu, on sait c'est qui, toi. Tu sais, il y en a comme ça, hein. Elles amènent leur mari, leur concubin, leurs amants, devant la cour pour les tuer, histoire d'avoir tout l'argent. Diables! Marie-Madeleine, ton petit jupon d'Hélène, t'es une crottée! Oh mon Dieu, je suis fâché, hein? Fait que là, ces gens-là, on va revenir à la guillotine. C'est pas pire. Attendez un peu, là. Attendez, c'est un petit verre d'eau, pas de glace. Parce que j'ai mal à force de crier de même, hein? Puis là... En étant dimanche à lundi, c'est bien sûr de l'eau de maïs. Merci beaucoup. Alors, tu mets le gars à l'envers. Tu fais comme, tu sais, sur un lit, quand tu l'amènes à l'hôpital. Ah oui, puis je voulais parler aussi, moi. Moi, c'est pas l'ambulance qui va venir me chercher, moi. Moi, c'est le corbillard. Mais il n'y a rien à savoir de l'ambulance, il n'y a rien à savoir des hôpitaux. L'étudie, moi, là. Non, mais tu viens de leur dire. Alors, moi, je mettrais le guillotiné, le dit guillotiné, parce qu'il n'y a pas encore guillotiné. Gratiné à 350 après la petite... Ouais, tu manges le quenouille, la petite prunelle, l'iris, là. Surtout si t'as un œil blanc, là. Ah! Oh! Comment ça, c'est dégueulasse? T'as-tu déjà mangé ça pour dire c'est dégueulasse, toi, là? Traité de cannibale! T'es qui, toi? T'es qui? Dis-moi où tu restes, mais allant enlever ta pierre tombale, hein? T'es pas encore mort? Quoi que t'as l'air d'un M, monsieur, tu manques de couleur? Va jouer dehors, comme on disait dans les années 70. Va jouer dehors! Et poumonne-toi! Arrête de fumer ta cigarette! Puis là, elle me dit souvent, hey, j'ai la grippe, j'ai la grippe. Ça fait 3 mois que t'as la grippe. On peut-tu dire que c'est la cigarette? Oh non, ma grippe a mal guéri. Oui, mais arrête de siphonner ta nicotine. Hey, le genre humain me fait pomper depuis quelque temps. Là. Le genre humain me fait pomper, mais je pense que ça fait 50 ans qu'il me fait pomper de même. Heureusement qu'il n'y a pas de la nicotine au bout de charge. Heureusement qu'il n'y a pas de guillotine. De nicotine, guillotine. Le gars, on va le coucher comme quand on l'amène sur une civière. Les yeux vers le haut. Tu sais, alors il est couché sur le dos. Fait qu'on l'embarque, sa guillotine, puis lui, il va voir la lame vers lui. Ça, c'est comme du Spielberg, là, tu sais. Non, mais en parlant de film pourri, on parlait de Spielberg. C'est comme du Spielberg, là, tu sais. C'est facile, puis ça fait peur. T'sais, c'est facile. On comprend vite. Là. C'est pas du Woody Bedden. Non, Woody Bedden, hein, ça demande une réflexion. À moi, quand je vais au cinéma, même pas ça réfléchir. Quand je parle à mon mari, moi, j'aime pas ça réfléchir. Quand je parle à mes enfants, moi, j'aime pas ça réfléchir. Quand je lis un bon livre, moi, je suis une grande liseuse, moi. Ah, je suis une liseuse, je peux te lire, moi je peux te lire ça, là, de long en large, de pas dans gras, de bidi-bidi, bidi-bidam, pam-poum, pam-pim, paf-pouf, pif-paf. Ah, je suis une grande liseuse, C'est, moi, j'ai dit à mon mari, là, mon mari, je dis, si tu t'en vas travailler trop loin, là, m'en mettre, puis je serais pas gêné de me mettre à lire. Mais, ah, mon Dieu. Là, j'ai commencé à lire le... Comment Daniel Steele, c'est une anglaise, une américo-unienne. Elle aussi, c'est une grande liseuse. Elle lit ses livres qu'elle écrit, elle. Elle écrit ses livres puis elle les lit en même temps. Elle peut lire 3 livres en même temps en écrivant 6 livres en même temps. Ça, c'est de l'intelligence, ça, c'est Daniel Steele. Pardon, ajustez pas votre radio, c'est normal. Regardez avant, êtes-vous 89.1? Bon, votre antenne est-elle levée? Bon, si tout ça est fait, vous captez très bien, mais c'est moi, Daniel Steele. Hey, ah, c'est une bonne... Elle écrit vite, elle, hein? Hey, elle peut être... parce qu'elle a un problème de... Vous saviez, sa petite vie intime, là? Elle écrit ça au cabinet. Au cabinet d'aisance. Puis tu sais, les professionnels, là, les liseux, là, ben, les liseux professionnels, tu sais, les gens qui font dans l'université, là, qui ont dans les bains, là, ils sont pas dans les bains, mais ils sont sur les bains. En tout cas, je sais pas s'ils les ont gossés sur le banc. Il y en a qui vont rester tout le temps sur les bancs d'école. Moi, il y a des gosseux qui sont là-dessus, là, hein. Ça gosse du monde sur du banc, fait que le banc reste sur le banc, puis le banc reste sur le gars, la fille, tout le monde sont, hein. On appelle ça les punaises de Manistee. Manistee, I went the world away. C'est de l'anglais, ça. Ah, c'est beau, on dirait le vrai chanteur. One through Bill Budden. Non, c'est Bill Dylan. Non, voyons donc, c'est Billy Bubble. Biddy Bubble. Ah, d'accord. Et Manistee. C'est violent, ça, à la fin, là. Ça commence à se frapper. I went the world away. On sac pas ici, c'est en anglais. Est-ce que vous connaissez pas l'anglais? C'est pas de ma faute, moi, là. C'est mon esti qui dit en anglais, non? Ou mon esprit, mon esti. En tout cas, c'est de l'anglais que je connais pas, moi. Bon, la lumière clignote, tout le monde m'appelle. Appelez-moi pas pour ça, moi, je comprends pas un mot de... Speak pas blimblish, moi. Puis j'ai jamais aimé la réglisse, non. La réglisse. La reliche, là, tu m'as dit, moi, c'est le ketchup. Moi. Ma vie, c'est du ketchup, et je veux vivre dans le ketchup. Ben, si on peut m'enterrer dans le ketchup, je serais très heureux, moi. La reliche, pas c'est faite pour qui? Du mauvais goût, la couleur est dégueulasse, on dirait que c'est quelqu'un qui l'a mangé. C'est épouvantable, moi. Ça doit être commandité par des couches de bébé, puis ils ont mis du colorant vert là-dedans. Ah, mon Dieu, c'est écœurant, cette émission-là. Non, mais c'est la seule. C'est le seul passage nébuleux, graveleux. Piteux, pitou, pitou, manou, minou, récipi, minou, timinou. Minou, minou. Vous savez d'où viennent les chats? On va lancer ma vieille blague. D'où viennent les chats? Rouin! Bon, parfait. Là, il faut bien se placer l'oreille. Dans une sonorité. Laquelle, la, la, la. Normalement, c'est mi, hein. Mi, do, ré, mi, fa, sol, la. La, la, la. Voici, il n'y a pas juste les galeries. Il y a le chanteur Lafayette. Mais là, pèse plus fort, mon insignifiant. OK, il n'y a pas seulement les... Excuse, on va recommencer. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je peux recommencer jusqu'à la fin de mes jours. Ma vie est un recommencement pour m'améliorer. Puis je vois bien que je dérape souvent, puis tout. Ben non, pas souvent, tout le temps. Je dérape tout le temps, puis à chaque fois que je recommence ma vie, ça dérape encore. Alors je me suis dit, de un, on va mettre la chanson, faites-vous-en pas, madame. De un, lorsque je recommencerai ma vie, je vais déblayer, m'en tout enlever les plures de banane, les gens qui me font. Hein, il y a des gens qui veulent te faire glisser pour applaudir, pour te dire, hein, t'es tombé, hein? On a des répliques là-dessus, là. Quand on tombe une fois, on dit « Hey, Jésus est tombé trois fois, moi, là, c'est juste la première fois. Il a marché sur l'eau. Il a viré l'eau en vin. Les petits poissons, il y en a eu, des petits poissons qui étaient dans l'eau sont multipliés comme des lapins. » Savez-vous pourquoi les poissons du tout petit Jésus, là. Pas moi, c'est pas Jésus, moi, c'est petit Jésus. Tu sais, les petits Jésus, là. Tu sais, celui qu'on aime, là. Qu'on met dans notre petite poche, là. Puis on fait attention pour pas qu'il y ait trop de graines dans nos poches parce qu'il peut se cogner. Il est tellement petit qu'il y a un petit grain, pouf! Ça devient une grosse pierre pour lui. Il est tout petit Jésus. Il est timide, tellement gentil. Il parle pas fort parce que tu dois rentrer de petit Jésus dans ton oreille. Puis là, il dit, fais la paix. Puis là, faut-tu l'entendre parce qu'il n'y a pas une voix très forte. C'est comme si des voix que t'entendais. Oh, hey, psychologue dit que c'est maladie mentale, mais c'est pas vrai. Là. C'est Jésus qui est dans ton oreille et qui dit aime-toi avec les autres. Oh, aime-toi avec les autres. C'est pas ça qu'il avait dit à l'origine, mais c'est beau, aime-toi avec les autres. Alors, petit Jésus, quand tu le mets dans ta poche, tu passes un coup d'aspirateur. Mais il faut pas que petit Jésus soit dans ta poche, sinon on va rentrer dans l'aspirateur. Puis si les petits Jésus rentrent dans l'aspirateur, il sera pas de bonne humeur. Mais il va t'aimer quand même, c'est petit Jésus. Mais tu prends le petit Jésus, tu le mets juste à côté de toi. Là, tu regardes pour voir s'il te regarde, le petit Jésus, parce qu'il peut tomber à terre. S'il tombe à terre, je sais pas de quoi ça peut ressembler. Il peut se casser les jambes. C'est des petites jambes, le petit Jésus. Quand c'est des petits os, ça peut se casser au stand. Je comprends pas ça. Moi, je suis pas un médecin. Mais en tout cas, tu mets ton petit Jésus, t'arrêtes tous les ventilateurs. Parce qu'il peut se faire envoler par le vent. Pis... Fait que là, tu mets le petit Jésus, pas de vent. Puis, je conseille. Puis, c'est pas une prison. Là. Tu lui dis, petit Jésus, je vais mettre un verre sur toi parce que je veux pas que tu t'envoles. Puis, je veux pas que tu te perdes. Puis, tout ça. Puis là, c'est écrit, non, fais pas ça. Et tu l'entends pas, il y a un petit verre dessus. Un verre d'eau, mais pas d'eau. Tu mets un verre d'eau, pas d'eau. Pas d'eau, un verre. Un verre translucide. Translucide. Lucide, ça, c'est pas moi, moi. Moi, je suis loin d'être lucide. Mais c'est trans. Trans. Lucide. Tu. Ouais. Tu. Connaissez-vous ça? Non! Allô? Attendez, monsieur. Monsieur, attendez, on a quelqu'un sur une crise. Connaissez-vous ça, la translucidité? Non! Avez-vous déjà entendu ce terme-là? Non! Quand je vous dis trans, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non! Ben, non, trans. Trans. Trans. Il y a moins ça, on dirait un oiseau. Eh oui. Ah, OK, c'était un corbeau. Ah, oh, il est parti. Non, non. Monsieur, revenez ici, monsieur le corbeau. Bon. Alors, lucidité, vous connaissez ça, la lucidité? On va alléger un peu parce que c'est pas un vite, ça, là. Lucidité. Vous connaissez pas ça, la lucidité? Léo Ferré disait, la lucidité se tient dans mon froc. Connaissez-vous ça, le froc? Bon, le froc, ça se tient sur un nénuphar. Puis ça joue de la flûte. C'est Démétane, la grenouille. C'est pas ce froc-là, hein? Non, c'est froc. C'est à l'intérieur, tu sais, quand tu mets des sous-vêtements, pas des sous. Moi, j'ai pas de sous, j'ai pas de maudite tienne, j'suis heureux. Pourquoi j'suis heureux? Parce que j'ai pas de maudite tienne. Plus le monde a de l'argent, plus ils ont des problèmes, plus ils ont du trouble, puis plus ils sont moins heureux. Quand t'es plus moins heureux, là, ça va pas bien du tout. Petit Jésus est dans mon verre. Ben, viré à l'envers, là. Passe l'aspirateur dans ma poche. Place le petit Jésus dans ma poche. Donc, il n'y a rien. Hein. Il ne peut pas se cogner. Je fais attention au petit Jésus, moi, parce qu'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il dit, aime ta soeur, aime ton frère, aime tout le monde. Puis, alléluia, alléluia. Puis, je me promène dans la rue, alléluia. Les gens me regardent, ils prennent des photos. Alléluia, alléluia, CKRL, alléluia, 89.1. Soyez membre de CKRL pour seulement 25$. Alléluia. Soyez heureux grâce à CKRL. Alléluia. Offrez-vous la liberté et surtout l'ouverture d'esprit. Alléluia. CKRL, alléluia. La police arrive. J'étais à Paris. Près des galeries Lafayette. Mais il n'y a pas juste Lafayette qui existe comme galerie. Il y a également un chanteur. Le voici. Il agite assez de petits poings serrés à la hauteur de sa figure. Il tortillait son petit derrière moulé dans un pantalon lamé sur les coutures. Faisait des bons, montrant qu'il savait danser sur des hauts talons argentés comme chaussures. Soulevait ses mèches de blond décolorées, faisant des tourbillons avec sa coiffure. La bousculade avait fait son brushing, mais maintenant ça n'avait plus d'importance, car plus personne n'oserait se moquer de lui pour ses manières un peu trop efféminées. Et l'on venait féliciter sa mamie qui depuis tout petit l'avait élevé. We'll be right back. il tient une boutique. Il vend des disques de variété, des disques de ses années héroïques. Le soir, il retrouve ses amis dans les bars de la capitale. Comme il s'est un jour enfui loin de son village natal. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Il y avait Claude Edef, Patrick et ses paillettes, et il rêvait d'être comme eux. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Et ses paillettes, et il rêvait d'être comme eux. Le sable des soupirs, insaisissable ensorceleur, la cascade des fous rires, et tout ça comme un métronome, sur un tempo qui va si bien, du carbure des phéromones, pour mieux m'indiquer le chemin, comme des amis, comme des amants, comme des amis, des amants. Tu as des seins de contrebande et je n'ai pas assez de mains. Pour tout étreindre et pour tout prendre, je n'en aurai pas assez de mains. Vivons à la source des sources, là où tout cesse d'exister. Inutile de résister, retrouvons-nous à la grande ours. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amants. De ta présence, je sens la vie danser sur moi. Reculons un peu l'échéance. C'est toujours la première fois, toujours la dernière chance. Comme à chaque fois, reculons un peu l'innocence. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amants. Comme des amis, comme des amants. Comme des amis, des amis, des amants. Je ne vivrai que de l'instant et d'un peu d'eau de ton trésor. Referme les yeux maintenant, je veux tout et j'en veux encore. Gueule de bois. Un chanteur, auteur, compositeur, interprète, Quand t'es chanteur, t'es composé, t'es interprète. Hein? Quand t'es chanteur, t'es pas loin de l'interprétation. Moi, je te dirais que c'est peut-être un pléonasme. C'est peut-être que ça se redit, mais c'est beau quand même. C'était Gueule de bois. Et au tout début, surprenant, je vous ai surpris. Et Rance Renadienne est là pour surprendre. Merci à CKRL de me diffuser encore. Pourquoi tu dis encore? Ben, je dis encore, encore, encore. Lafayette. L'année dernière, ben en fait cette année, j'ai passé à un cheveu. Quand je vous dis un cheveu, là, c'est un beau cheveu long d'une demoiselle ou d'une dame. Respectable, bien sûr. Et j'ai passé à ce cheveu-là de le rencontrer, mais il avait d'autres occupations. Bien sûr, il doit payer son logement, son appartement, et il n'était pas libre lorsque je lui avais proposé 3 cases horaires. C'est à l'année prochaine que tout ça se fera, j'en suis certain. Sinon, on y va directement, parce que mon invité a encore des choses à dire. J'ai beaucoup de chansons à vous proposer de ce grand Fergus. Donc, aujourd'hui, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. On dirait que ça plombait un peu, hein? 2 chansons qui nous ramènent à la réalité. Puis si vous vous procurez l'album de Lafayette, autant que celui de Gueule de bois qui s'appelle Le chant des peaux si bleues. Et l'autre, c'est Lafayette, Le monde merveilleux. Ça, c'est le titre de la chanson que vous avez entendue, mais c'est aussi le titre de l'album. Mais lui va plus loin en disant « Le monde merveilleux de Lafayette ». Lorsque vous regardez la pochette, c'est... allez visiter mon site, vous allez tout voir ça. Mon site internet officiel, le Blogspot, errancerenaldienne.blogspot.com ou quelque chose du genre. Ou sur Goggle, Errance Renaldienne, Rénal Gagné, Blogspot. Passez Blogspot là-dessus, mais... Sur Blogspot, vous allez... Je vous invite à aller sur Blogspot. Oui, mais on n'a pas eu l'adresse. Mais c'est tellement pas important. Il y a des moteurs de recherche. Moi, un moteur de recherche, là, c'est mieux qu'une voiture. Parce qu'au moins, ça fonctionne, ces moteurs-là. Oui, t'as pu me dire ce qui est arrivé. Il n'y a pas longtemps. Cet été. Je me suis acheté une belle décapotable, tu sais, pour impressionner. On s'ajoute des décapotables. Ben, sincèrement, si on s'ajoute une décapotable 2 places, c'est pour impressionner. C'est surtout pour occuper la 2e place. Pas celle du chauffeur, là, celle du voyageur. C'est pas de l'invité. Mais non, c'est pas un studio d'enregistrement, là. T'es pas à TV ou à radio. Y a pas le siège de l'invité. On appelle ça soit le chauffeur ou le passager. Bon, merci. Heureusement que mes souffleuses du début de semaine se trouvent là. Alors, je me suis procuré ça, ce genre de voiture-là, moi. 2 places, tu sais, pour impressionner, ça sert juste à ça. Il n'y a pas d'intérêt à voir ça. Puis en plus, c'est moi, il est décapoté, il est recapoté. Il est décapoté. Il est petit quand tu te retrouves en 2 gros camions. Là, tu te dis, ouais. Ouais. Si je passe en dessous, c'est terminé. Si je passe au-dessus, faudrait que je place un genre de oui, exactement, des ailerons. Merci, madame. Des ailerons pour monter. Mais j'ai jamais vu une décapotable monter, moi, là. J'ai toujours vu ça écrapoutiller avec une flaque de sang, puis 2 flaques parce que on cherche l'autre, là. T'as pas une décapotable pour promener tout seul, là. Ça fait que sinon, ça fonctionne pas. Ça a l'air louche. Ça fait le type qui recherche la jeune fille pour la placer à côté, là, t'sais, pour parler de littérature, t'sais, de chansons françaises, t'sais, d'aller prendre un verre, hein, prendre 2-3 petites bières, t'sais, s'amuser, là. Mais convenablement, faut respecter, là, hey, tu respectes, si tu respectes pas, la personne t'aimera pas. Quoi qu'il y en a qui aiment bien ça, qui les irrespectueux, il y en a de même. Il y en a. Je sais pas, là, mais moi ça me rejoint pas, là. Fait que là, tu roules, puis tu regardes ta liste sur ton cellulaire de filles qui pourraient peut-être plaire passagères. Puis quand t'appelles, ça répond pas. Bon, ils sont occupés. C'est louche. Fait que là, tu décides de rouler sur la rue Saint-Jean en mettant du Lafayette à plein régime. Hein, ça joue, là. Le monde merveilleux, mais... Là, il n'y a personne là qui est. Tu dis, oh, veux-tu venir ici pour que j'amène tes paquets? Mais là, elle dit, mais t'as pas de place pour mettre mes paquets! C'est vrai qu'un décapotable deux places, les paquets, c'est pas grave, on va les mettre sur le chemin, embarque, puis on va s'amuser, là, on va aller prendre deux, trois bières, puis on va rire, puis on va avoir du plaisir, puis ah ouais, ma petite titite, ah ouais, ma petite fille. C'est pas la version que je connais, voilà, là! La version que je connais est pas plus... C'est pas très beau, là. C'est « Ah ouais, la petite, ah ouais, la petite jument. Si tu me prends pour une jument, jamais m'embarquer là-dedans. Si t'as du foin, peut-être. » Oh! C'est vrai que jument, foin, ça va bien ensemble. Je pourrais te donner 15$, mais va pas t'acheter de la drogue avec ça, toi, là. 15$, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, viens, toi, on va parler, on va avoir du plaisir quand on s'en va au petit bar d'à côté. Un petit bord à côté. Je sais pas si moi, ça m'adonne. Mais si ça t'adonne pas, laisse faire, moi, continuer. Non, je vais peut-être embarquer. Fait que là, moi, j'avais juste vu le haut, j'ai pas vu le bas. Quand je me suis levé pour ouvrir la portière, j'ai dit comment le bas va faire pour s'installer sur mon fauteuil, sur le banc. J'étais comme interrogatif. Fait que là, elle s'installe, pas capable, fait que j'appuie sur ses épaules. Puis là, ça fait pouf! Elle est comme. Ouais. Exactement. Castrée. Est encastré, pas castré. J'espère qu'il n'est pas castré, moi, il y a 2-3 ans. Mais non, elle est bien encastrée dans le banc. Fait que. J'ai dit, il n'y a pas d'accident. Mets pas ta ceinture. Si tu vas rester collé sur le banc, puis au pire, moi j'ai le bouton, je peux t'envoyer en l'air, puis on peut s'avoir pour avoir du plaisir, là, tu sais. Comment ça, j'ai embarqué ça dans ma main, monsieur? Je suis pas sélectif. En tout cas, fait qu'on s'en va. On roule, puis là, on voit un petit bar. Tu sais, dimanche à lundi, les petits bars, pas facile à cette heure-là, là. Ça fait que là, j'arrête ma voiture, je débarque pas, t'es pas capable. Allez voir s'il y a de la place, si c'est ouvert. Fait que j'arrive à la porte, j'essaie d'ouvrir, ça fonctionne. Oh non, c'est fermé, c'est sûr, il n'y a pas assez de monde. Fait que là, je frappe, allez-vous ouvrir? Il y a une fille qui est prise dans... On va le prendre là-bas, puis on va le monter, puis on va descendre dans le bar, puis on va avoir du plaisir. Fait que le gars dit, oh non, on est fermé, man, là, parce qu'il habite en haut. Là, oh non, on est fermé, ça fait 2 heures qu'on est fermé, pas de monde, c'est pas de monde. Mais on est qui, nous autres? Oh, pour 2 personnes. Ben, il m'a donné 50$, 50$. Non. Ouvrir l'électricité, ça va prendre 50$. Oh non, ça va coûter 50$. Non. Mais, hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, je sais pas, regarde. M'a donné donne-moi 10$, m'a donné 2 bières, là. Bois-la avec elle dans là, il était fatigué, lui, là, il bégayait. Dans ta voiture. J'ai dit, OK. Pourquoi pas, là, tu sais. Fait que là, j'arrive avec les 2 bières. J'ai dit, voilà, princesse. Elle dit, je bois pas de bière. Comment? Je bois pas de bière. Tu bois pas de bière? Je t'ai dit depuis le début qu'on allait prendre 2-3 bières. T'as pas dit qu'on allait boire de la bière. Elle dit, on allait prendre quelques verres. Ah ouais, je pensais avoir dit bière. Non, on t'a dit verre. Mais écoute, attends un petit peu. Je frappe à la porte du bar. Hey, le gars encore, il dit, qu'est-ce que tu veux, là? Hey, mais t'as-tu un verre? Pourquoi? Il a beau pousser dans la bouteille. Non, elle veut prendre un verre. Fait que là, il me donne un verre, je lui donne 5$. Quand même, hein, là, je m'envoie la fille. Regarde, on va prendre un verre. Elle dit, non, j'aime pas ça la bière. Ben oui, mais j'ai dit qu'on allait prendre un verre, mais c'est un verre de bière. Mais c'est dans un verre, c'est pas dans la bouteille. Elle là, elle était perdue. Elle dit, OK. Elle là, tu m'aides. Toi, t'es trop intelligent pour moi. Il est des nôtres, nous, là. Et monsieur. Fait que là, je la vois-tu pas, hein, pas un petit coup, comme si t'étais pas certain. du bout des lèvres. Ah oui, ben c'est bon. Ben oui, voyons donc, c'est bon, j'espère. C'est de la bonne bière du Québec. C'est de la microbrasserie. La microbrasserie, là, souvent, là, c'est très, très bon. J'ai dit souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent très, très bon. Et moi, j'ai l'œil pour la microbrasserie. Quoique le patron m'a donné deux bières comme ça, là, rapidement. Mais c'était une de ses meilleures cuvées. Le lendemain, j'ai donné 100$. Je suis allé voir le gars, j'ai donné 100$. Puis la fille, ben là, on a bu le verre. Puis elle a bu le verre, elle a mangé le verre. Je suis allé la reconduire à côté de ses sacs. Puis j'ai dû sortir le banc. J'ai mis à terre. Puis j'ai arrangé avec ça. Puis j'ai perdu un banc, mais j'ai encore ma voiture. C'est ça mon histoire. Mais là, j'aimerais que mon ami, Stéphane Doré, alias Fergus, nous raconte le reste de sa vie, maintenant. Ça fait longtemps qu'on s'aime, ça fait longtemps qu'on niaise. Faudrait tout le temps qu'on plaise à leur barème. Je suis un peu sauvage, toi t'as besoin d'eux autres. Mais là, le tour, c'est le nôtre, le tour de notre voyage. Ma tank à gaz est pleine, mon cœur est plein d'amour. Tu leur feras pas de peine, on va triper grand jour. Je veux vivre avec toi, tu veux vivre avec moi. Les passeports sont en loi, je te ramasse, prépare-toi. Personne Thank you. Spoke of what's away. Although I was a man, he said I was his friend, which kind of some surprise. I spoke into his eyes. C'est un homme terrible, c'est un homme terrible. Mais quand il me caresse, quand je sens ses deux mains se poser comme des compresses sur mes yeux pleins de chagrin, alors je ressuscite, je retrouve le printemps. Le bonheur habite au creux de mon amant. C'est un homme terrible avec des yeux bleus. Mon cœur est la cible où où il vise le mieux. Il revient vers moi, il revient toujours avec un grand tas. Ça s'appelle l'amour. C'est un homme terrible, il a peur la nuit. Dans mes bras fragiles, il s'apaise et rit. Et puis il s'endort et je le regarde. Il n'a plus l'air fort, c'est moi qui le garde. Sentinelle dehors, à moi la cocarde. Quand viendra l'aurore, je quitterai la garde de cet homme terrible, de cet homme terrible, de cet homme terrible, terrible. Les mots n'ont plus la parole, mais faudra le dire à personne. Tu me tues à te taire comme une tombe, moi j'en crève, mais faudra le dire à personne. À quoi, à quoi rêvent nos rêves, à quoi? Les mots plus la parole, mais faudra le dire à personne. La sirène d'Andersen se sèche les larmes dans la mer, mais faudra le dire à personne. À quoi rêvent nos rêves? Rêve nos rêves, à quoi? À quoi? À quoi? Rêve nos rêves, à quoi? Les mots plus la parole, mais faudra le dire à personne. Accroché à tes lèvres, au silence de tes chimères, mais faudra le dire à personne. Au mieux de être noyé dans la masse à mettre des morceaux sur le truc, tiens, mais je vais cibler des gens à qui ça peut intéresser, ou sur la même longueur d'onde. Et du coup, quand j'ai rencontré ces gens, ça faisait du... Ah, c'est compliqué parce que... ouais, nous sommes de millions dans un monde bizarre. Et comment dire, moi, je suis un défaut un peu sans filtre. Alors, et j'ai rencontré un peu le scortisme, dans le sens ouais. où, ouais. avec cette nana que j'ai vécu pendant 7 mois, qui était personne de borderline et voilà, qui n'allait pas très bien sa tête. Disjoncté. En fait, qui n'a pas tué ses parents. Mm. Et le jour où j'ai vu ses parents, la première fois, ils m'ont bien aimé. Oh, il y a de l'humour, tout ça, la dernière nuit. Alors que son père était ancien militaire, dans la marine. Mmh. C'est marrant parce que moi aussi, je fais la marine il y a 11 ans. Et... Quand tu fais ton service militaire. Et voilà. Et le jour où ils se sont aperçus qu'Aurélie avait un problème dans sa tête, en fait, ils m'ont tout mis sur le dos. En disant, c'est vous. C'est la cause. Et c'est facile. Voilà. Et aussi, ils m'ont dit, ouais, et puis vous êtes pessimiste. Oui, je suis pessimiste. Parce que, oui, parce que, parce que justement, je racontais dans le monde où on vit, il n'y a plus de pétrolier, voilà, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de sable. Voilà. Et pour eux, c'était le diable. Oh non, on va arrêter n'importe quoi. L'être machiavélique voilà. Qui a ensorcelé ma fille. Exactement, ouais. Et qui l'a rendu complètement aveugle. Sauf, je leur disais, mais justement, avoir les pieds sur terre, c'est justement faire attention dans le monde où on vit. Quoi. C'est s'intéresser à soi et aux autres. Et aux autres, autres. Ouais. Et il dit, oh, il y aura toujours de pétrole, il y aura toujours ceci, cela, quoi. Et du coup, c'était dans le rejet, quoi. Et c'est ça qui est cruel, qui est dur dans ce monde, c'est que quand t'as des opinions, quand tu en plus, c'est pas des gourous hein, que je suis, c'est des trucs, c'est des vrais chiffres, c'est des trucs, voilà. Et du coup, t'es un peu le diable. Tu es la cause du problème. Ouais, t'es la cause du problème, ouais. Hein. Bon, t'es vite en train de le révéler, enfin, comment dire, le... Hein. Et... Le déclencher. Voilà. Et je trouve actuellement que nous sommes encore dans la mentalité des années 50. Croissance, voilà, absolument. Tu sais, on croit encore qu'on va aller sur. Enfin, sur. On va. Il faudrait arrêter de polluer déjà là, ça serait beaucoup. Ah, bah, c'est pas bien, là. Et. Mais c'est marrant parce que. Souvent, avec ma musique, c'est un peu ce que je racontais. Les gens, ils prennent ça pour des histoires d'amour. Mais si tu y es couplé, ça raconte autre chose. Ah oui, c'est ça, c'est double compréhension, mais. Oui. Plusieurs, plusieurs façons de voir. Est-ce que tu travailles beaucoup sur tes textes ou tu laisses le premier jet? Non, je suis pas perfectionniste. Je pense à. Enfin, ça dépend. Quand il y a une fulgurance, des fois tu fais un texte en deux heures, là t'as pas, tu changes pas grand chose. Puis des fois je mets un an ou deux ans à finir un texte. Ou tu mets ça aux poubelles et jamais tu y reviens? Ah oui, oui. Bah, 80% des trucs je le mets à la poubelle. Hein. Tu gardes jamais pour éventuellement non, même, piquer quelques trucs. Finalement, on s'en souvient. Okay. Souviens et c'est même ah tiens finalement. Est-ce que tu te rends compte qu'avec les années, tu as des choses qui reviennent, des ritournelles, des thématiques. Ah oui, des... oui, tu te rappelles. Oui, les thèmes, oui. Nous va côté un peu justement, je parle du confort qu'on a tant attendu et finalement on se perd dans ce confort parce que les gens ils ont une... Une course au bonheur, c'est pas le bonheur qui m'a rendu heureux, enfin, c'est pas le bonheur qui rend heureux des fois. Ouais. Et Non, parce que. En fait, on a une course folle où les gens, tout se rétrécit et on court. On n'a jamais couru après l'argent. Et au final, il y en a de moins en moins et puis il y en aura de moins en moins. Donc les gens, je trouve, s'ils continuent comme ça, s'ils changent pas de mentalité, de logiciel, ils vont se tirer une balle dans la tête. Parce qu'il y a tout se rétrécit. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? De quoi le rétrécissement? Bah, c'est la force des choses. C'est purement comment dire environnemental. Et puis en fait on est gavé de pétrole. Et là on a passé le pic. On a passé le pic du pétrole conventionnel. Mais il y a beaucoup de voitures aussi, hein. Mais oui. Bah, justement le coq, ça parle de ça. Mm-hmm. Et Moi j'ai suivi sur internet un peu le propos, le discours. Mmh. Mmh. Et mais en même temps, les gens font pas grand chose pour modifier le. Moi j'ai un scooter électrique donc. En fait, on n'a jamais tous. Après, c'est un vaste sujet. Hein. Et ça prend... Mais on va parler de ton œuvre, de ta. Mmh. Donc, toi, tout ce qui t'entoure te amène une création. Il faut vraiment que ça te choque, que ça te oui, rentre dedans. Oui. Ouais. C'est vrai, c'est montré aux gens que finalement, est-ce qu'on a choisi le bon chemin? Est-ce que... En tant que en tant qu'individu ou en tant que genre humain? Genre humain. Ah. Okay. Parce qu'on est tous impliqués. Oui. Crois-tu que les gens sont conscients de tout ça? Non. C'est ça le drame. Oui, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens avec qui j'étais sur la même longue onde. Une même visée, même vision. Une même vision, oui. Ouais. Un ancien financier, il était là, bon, voilà, j'arrête à Ah, mais ça, c'est rassurant de voir qu'il y a des financiers qui s'y intéressent. Ah, oui. Ils sont pas tous bornes et refermés sur leurs leur sous, sur leurs calculs. Oui. Es-tu de tendance suicidaire? Bon, non, je me serais déjà suicidé. Est-ce que c'est quelque chose qui est à côté de toi et qui te... Mais j'ai une fille. Ok, c'est ce qui te tient. Je crois, oui. C'est elle qui... C'est le flambeau de ton existence. Mais à un moment donné, j'ai tellement vécu une épreuve, enfin, rupture amoureuse avec des parents qui m'ont rejeté parce que ils étaient dans l'obscurantisme. Après la mort de mon manager, tout ça, et plein de choses. Au final, c'est tellement, ça a tellement un paquet, ça, c'est tellement lourd qu'à la fin, comment dire, il y avait tout pour le suicide. Ouais, c'est ça. Mais, il y avait tous les ingrédients, mais tu n'as jamais voulu les mélanger. Bah, tu les vis là, oui, un après l'autre pour pas que ça devienne... Ouais. Non, après, j'ai mis dans la tête, il faut accepter. Ouais. Voilà. Il faut digérer. Est-ce que ta fille écoute tes chansons, tes trucs, ta carrière? Elle a quel âge? 10 ans. Voilà. Qu'est-ce que... Et puis, tu restes avec? De quoi? Avec ta fille? Oui. OK. Qu'est-ce que tu veux lui léguer? Qu'est-ce que tu veux qu'elle apprenne? Qu'est-ce que... Es-tu du genre à être un professeur? Non, bah... Fais gaffe. Par exemple, toi, elle m'a dit, oh, papa, qu'est-ce que t'as contre le pétrole? J'ai dit, mais j'ai rien contre le pétrole. C'est à un moment donné, il y a... Bon. Parce que t'en parles souvent? Ben oui, elle le sait. Ok. T'en parles souvent, oui. Ça... Elle me dit, c'est pas une question que j'aime pas le pétrole, c'est qu'il va falloir économiser. Tu sais, comme les hand spinners. Mm-hmm. Imagine le gâchis. Mm-hmm. Ben, quand tu prends... Pardon. Parce qu'on détruit des montagnes, hein, comme au Canada. Ouais, au Québec. Au Canada. Au Canada, ouais. On détruit des montagnes pour le pétrole. Ouais, mais même chez les pygmées, pour extraire de l'essence, il y a des résidents qui ont les pieds brûlés parce qu'ils ne ramassent rien. Les grosses pétrolières qu'on nommera pas parce qu'on les connaît laissent des cochonneries et s'en vont ailleurs. Donc, ils n'ont aucune conscience humanitaire. Ouais. C'est hypocrite parce qu'on va s'occuper du climat. Il y a des gens qui il y a des pygmées qui meurent. Ça m'énerve profondément. Parce que... Tu n'en entends pas parler parce que c'est pas important. C'est pas eux qui contrôlent le monde. Ils ont pas, ils sont pas dans un monde de consommation. Les pygmées, mais je crois que c'est les gens peut-être les plus heureux. Mais c'est des envahisseurs qui viennent tuer leur façon de faire, leur façon de vivre. Et, Ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas Internet et des cellulaires que ce sont des cons. Au contraire, je trouve qu'ils se sont préservés et c'est ce qui reste d'eux qui est louable et qui les rend plus riches à mes yeux. Et puis je pense aussi qu'ils sont plus dans la vérité que nous. Hein. Ah ben oui! Nos anciennes civilisations, oui, les tribus sont bien plus dans le... Dans le présent et dans le naturel, parce que imagine-toi, pour endormir un peuple, tu lui donnes des cellulaires, des ordinateurs, ils vont s'endormir là-dessus, croyant qu'il est le Dieu suprême. Mais eux sont dans la nature, donc pour manger, ils doivent aller pêcher, ils sont beaucoup plus. Moi, si je veux aller manger, je regarde le menu, mais donc j'ai pas de crainte, il faut avoir les sous, puis je mange. Ouais, tandis que... Ils sont plus dans le réel. Oui. Nous, on est dans un truc d'une bulle. Exactement, de médiocrité. De basse. De conformisme, d'assurance. Donc, ils sont peut-être beaucoup plus près de la vérité. Oui. De toute façon, même les arbres, ils communiquent entre eux, ils se parlent. Oui. Voilà. Et même, il y a des gens qui, en embrassant un arbre, arrivent à l'osmose, à comprendre la vibration de l'arbre, à parler à l'arbre, et l'arbre leur parle. Oui, parce qu'il paraît que tout est conscient. Face du monde, le soleil fait de l'ombre, a brûlé ses ailes en chute libre, a flambé sa vie, le jeu en vaut toutes les chandelles. La belle arrogante prend au pied de la lettre son facteur chance. Dans le tout feu, tout flamme, elle se réclame. Autre chose qu'une réclame, son grand tour est un drame. Elle recrache sa fumée. mais blonde, à la face du monde. Le soleil fait de l'ombre. Il n'y a plus de terre, l'équilibre, plus le point d'appui. Le fil du hasard cruel. Est-ce pas d'anglame dans le tout feu? Tout flamme, elle se réclame. Autre chose qu'une réclame. Son grand tout est un drame. Elle balaye ses ombres. Elle se panne dans glame, dans le tout feu. Tout flamme, elle se réclame. Autre chose qu'une réclame. Son grand tout est un drame. Elle se panne dans glame, dans le tout feu. Tout flamme, elle se réclame. Autre chose qu'une réclame. Son grand tout est un drame. Errance rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Je suis Ah ben ça, c'est... oui, exactement. Ouais. Exactement. J'ai 10 questions et on va voir où ça nous amène. Si tu étais un liquide... Ah ben, il est un liquide, hein. Peut-être du sang. Du sang? Ton sang. Côté Dracula? Dracula, ouais. Même si j'aime pas trop... J'aime pas la viande rouge, mais bon. Ah, t'es végétarien? Non, non, j'aime bien plutôt le poulet. Ok. Il y a une publicité au Québec, tu vas l'adorer. Tu aimes les jeux de mots? Oui, d'ailleurs. Pouvais-tu en avoir encore? Oui, tu en avoir encore. Si tu étais une ville? Paris. Quel arrondissement? Dans le 9e. Ah, juste ici, en bas des Martyrs? Oui, en bas de la rue des Martyrs. Oui, voilà, oui. À chaque fois que je passe sur la rue des Martyrs, il y a la chanson des garçons bouchés. Garçons bouchés, oui. Moi, des garçons bouchés, je te garçons bouchés, puis... Non, des garçons bouchés. La rue des Martyrs, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Si tu étais une langue? Une langue? Excuse-moi, avant de parler de langue, est-ce que tu suis la carrière de Lazaro, le maître des garçons bouchés depuis de Pigalle? Non, pas trop, non. OK. Pas trop, ouais. OK. Alors, si tu étais une langue? Une langue. Une langue de vipère, non, pas une langue de vipère. Une langue... Une langue... Bah, du yaourt. OK. Ah oui? Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est que tu peux dire ce que tu... Oui, C'est comme ça souvent qu'ils font des traductions, hein, quand on demande, on dit parler en yaourt. Et... Si tu étais une époque? Bah là, nous vivons une époque opaque. Ouais. Une époque, mais c'est, ce que je vis en ce moment, c'est j'aime la vie, mais pas ce monde. OK. Il y a une époque, mais en même temps, je ne suis pas non plus nostalgique, je n'ai pas envie de retourner dans les 70, 60. Je sais pas s'il y a une époque vraiment... je pourrais peut-être... Une époque... Quelle époque? J'allais en dire dans le futur, mais le futur, je ne suis pas sûr qu'il soit très magnifique. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc c'est assez... Parce qu'avant, j'aurais préféré être dans le futur que dans le passé, parce que le passé, on le connaît un petit peu. Ouais, ouais. Ouais. Ou peut-être aller dans le passé pour modifier ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà, bah, Retour vers le futur. Ou peut-être, c'est le film Retour vers le futur, mais dans le deuxième, ben non, mais même dans le premier, on s'en... C'est quoi, quand j'ai vu Trump, il me dit, ah, il me rappelle quelqu'un, il me rappelle quelque chose. Ouais, la mèche hitlérienne. Ouais, mais en fait, après, j'ai tapé Retour vers le futur, et en fait, ils sont directement inspirés de Trump. OK. Donc, pourquoi la fiction dépasse la réalité. Ah oui, hein. Ouais, ça c'est classique. Si tu étais un mot? Un mot. Amour, on va dire. Comme ce qu'il y a avec l'amour, hein, quand tu penses. Amour. Amour. Si tu étais un aliment? Aliment. Piment. Piment. Ouais, pour épicer la vie, Si tu étais une saison? J'aime bien le printemps. Printemps. Pour la Renaissance. La Renaissance, et puis. Après la mort, c'est la. Ouais, puis après, c'est l'été. On sent qu'il va se passer quelque chose. Oui, voilà. Enfin, il va se passer quelque chose. On s'est endormi l'hiver, un peu comme un ours. On a hiberné, mais là, maintenant, c'est le temps de se réveiller. Voilà. Est-ce que tu te rends compte si, avec les années, tu es plus prolifique l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, ou ça n'a rien à voir avec les saisons? Ah ben, j'ai remarqué un truc, dès que c'est le printemps, c'est plus gai, c'est plus rythmé. Oui. Ben, le soleil est présent, donc on sent plus le... L'hiver, c'est plus... Oui, on s'endort. Ah oui, forcément, une forme de... Ouais, parce que tu es ressenti, enfin, c'est... Si tu étais un membre corporel? Est-ce que je serais mon sexe? OK. Oui. Si tu étais un moment de la journée? Ouais, l'apéro, c'est bien. C'est quelle heure ça pour toi? Ah, 18h30, 19h. Ok. Ouais. Si tu étais, et que c'est le breuvage que tu préfères en apéro, c'est? Alors, en ce moment, je bois de la bière. Ok. La blonde, la rousse, la blonde. La blonde. La blonde, pas trop compliqué. Oui, ouais. Hein? En fût. En fût, ouais. Ça saoule un peu moins. Hein? Tu peux boire davantage et aller en pisser un coup. Ça dit, j'aime bien le bon vin aussi. Le vin, ok, lequel? Bah, le Bordeaux, le Médoc. Rouge. Le rouge, ouais, le rouge. Ah oui, rouge, ouais, hein. 7 millions, par exemple. Ah oui, ouais. Toujours rouge. Hein. Si tu étais un moment de la journée. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Un autre individu. Je sais pas, Lafayette. La qui? Lafayette. Lafayette, ah oh, ouais. Oui, pourquoi? Bah, c'est le... Bah, il a construit un peu les États-Unis, l'Amérique. Ouais. Puis il était... il a un côté un peu... Grandiose là-dedans. Oui, grandiose. Enfin, il a, oui, il a voulu construire le nouveau monde avec c'est ça, le ouais. côté fou oui, du créateur. De, À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, le même, mais je chanterais. J'aurais chanté beaucoup plus tôt. J'aurais fait, au lieu de laisser les membres du groupe chanter. Exactement. Tu, voilà. Mais qu'est-ce qui te freinait? C'est la gêne? Ou c'est le manque de rassurance? Manque de confiance. Ouais, manque de confiance, ouais. Mais la confiance est arrivée quand? Avec la fille de... Bah, en fait, quand je me suis retrouvé tout seul, quand j'avais plus de chanteuse, voilà, qu'est-ce que je fais? Et je m'arrête ou je continue? En fait, j'ai essayé d'apprendre à chanter tout seul. Je me dis, c'est quoi chanter? Et après, j'ai réfléchi. Et en fait, chanter, c'est par exemple, tu croises un mec que tu connais, quelqu'un, et tu fais, hey, coucou! Et en fait, chanter, c'est ça, c'est l'intention. Oh, oui, oh, oui. Et je me souviens, j'étais en Suède, parce que ma petite amie à l'époque était suédoise, et je m'étais enregistré, j'avais fait un micro, j'écoutais un morceau, et dès qu'il y avait quelqu'un qui montait, je faisais ça, ah là là, enfin, j'essayais de... Pour aller chercher. Chercher le... Ouais. Et du coup, quand t'as la bonne attention, tu chantes juste, quoi qu'il arrive. Mais à quel moment tu as posé ta voix et dire c'est cette voix-là que je veux avoir? Parce que, est-ce que c'est chanté? Est-ce que c'est comme récité? Est-ce que c'est murmuré? Alors, la première fois, je me suis mis au... c'est une rencontre. Alors c'est un type qui s'appelle Julien John qui se disait communiste, communiste et vachement de gauche, alors que le type il serait compté à l'instaural. Okay. Et c'est un mec qui m'a bousculé. Et bon, bah, quand la vie part s'engueuler parce que j'étais... Ah, bref. Mais j'aime bien aussi les rencontres un peu sulfureuses. Toujours, comme le reste. Et un jour, on est allé au festival de Cannes. Et j'ai invité chez mon oncle. Et à un moment donné, j'avais dit à mon oncle qu'on était tous les deux des joyeux déprimés. D'ailleurs, je l'ai sur l'album. Oh oui. Et là, il me dit « Bon Stéphane, je t'écris un texte qui s'appelle Joyeux déprimé, tu le chantes, et c'est pas une nana qui va le chanter, c'est toi. » Puis moi, je dis « Bon, ok. » Et finalement, j'ai chanté, c'était comme un challenge. Mmh. Et, à cappella ou... Non, bah, j'avais fait la musique après, ouais. Okay. Joyeux déprimé, ouais. Et du coup, bah, voilà, j'ai chanté, mec. Hein? Et après, puis, du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'en fais? Après, je l'ai envoyé à mon manager. Il me dit, mais arrête avec les nanas, chante tes propres morceaux à toi, enfin, chanter, quoi. Oui, il voyait quelque chose. Voilà, en fait, c'est une nuit d'un pari. C'est un mec qui m'a un peu mis à pousser, ouais. Ou diriger, pas pousser, diriger. Non, il dit, tiens, pourquoi tu chantes pas? Viens, okay, pas. Okay. Ouais. Et du coup, du fil en aiguille, bon, bah après tout, je vais chanter mes propres morceaux, ouais. Mais comment tu as trouvé ta voix, ton style? Est-ce qu'il y a un style, est-ce qu'il y a une voix où encore aujourd'hui, ça dépend de la chanson, ça dépend de ce que tu veux dire, tu murmures, tu cries, tu... Bah, au début, c'était moitié chanter, moitié parler, ouais. Ouais. Mais Et avec les années? J'essaie de prendre plus d'assurance, de chanter plus avec le ventre, pas ouais. Compliqué, plus... D'ailleurs, c'est agréable, hein, quand tu commences à... Ça commence à se, à se déployer. Ça commence à passer dans les cordes vocales. Parce qu'au début, c'était un peu laborieux. Hein. Bon, Leonard Cohen disait que sa voix se raffinait à force de boire du vin rouge. Ça rendait plus. Ça ramenait la granulation. Plus je pense que c'est les événements, tes trucs que tu vis. Les trucs que tu vis, ça construit ta voix. Courir en se sentant arrêté, c'est comme perdre en pensant qu'on a gagné. Un jeu de main qui se joue avec les pieds. Ah, joyeux, déprimé, déréglé, mais détaché. Joyeux, déprimé, abîmé. Moi, ça fait maintenant des années que du fond du couloir je monte toujours au filet sans calculer. Je dépense toutes mes pensées sans éclairer, j'explore les terrains minés. Un joyeux nous déprimé, déréglé, mais détaché, joyeux déprimé, abîmé. Et ça a coupé. C'est un sport d'être joyeux et déprimé, enflammé et arrosé. C'est comme se plaindre sans regret. C'est un sport. C'est pas si facile d'être multiple. Mais si ton double n'est pas mon type et que ton triple voudrait passer outre, alors que viendra-t-il m'attendre? Il dira ad libitum, jamais être idem. Et quand bien même, ad libitum, nos égaux se font la belle. Combien on s'aime, ad libitum, sans jamais être idem. Et quand bien même, ad libitum, nos égaux se font la belle. Combien on s'aime, ad libitum. Toutes les mêmes. jours à l'heure. Les déceptions aussi, l'une va pas sans l'autre. J'ai des vorgues en regard, j'irai bien voir ailleurs. Un monde sans les dix serait un monde. Déception si l'une va pas sans l'autre. Un monde sans les dix serait un monde, on l'a dit. Je l'ai vu toutes les mêmes depuis que tu es parti. Je dévore du regard. Je suis chef de gare. Je dévore du regard depuis que tu es parti. Un monde sans les dix serait un monde, on l'a dit. Je les veux toutes les mêmes. Je sais pas si je t'ai les dire. Pas que la fumée, boire. fumeur peut aussi... Ouais, si, je sais pas. Si, si je fume trop, évidemment, ça te... Mais après, si tu... Mais quand tu chantes, après, c'est... Enfin, je sais pas. Hein. C'est vrai que j'aime bien les nanas qui vont fumer trois clubs pour, ah ouais, pour avoir de chanter. Ah ouais. Ils, ça va rien changer, enfin, chanter avec ta, non, ta ouais, propre c'est ça. Voix. Ben, à la Gainsbourg, là, t'en allumes... Ouais. Oh, Brigitte Fontaine, elle est forte aussi sur la, sur la club avant scène et sur scène. Est-ce qu'il y a des chanteurs, des chanteuses que tu suis depuis le début, leur carrière Ouais, plus ou moins. Pas vraiment. Après, il y a un chanteur que j'aime bien, c'est Didier Super. Didier Super, oui. Un type dérapant. Ouais, mais lui, par exemple, je suis sûr qu'il est au courant du Pic Pétrolier et tout ça. Hein. Ah oui. Oui, dans son album Vacances pour tous ou quelque chose du genre, il en parle dans Ouais, mais ça, c'est des petites chansons d'une minute et demie, deux minutes. Anticommercial, il s'en balance. Il a une visée, c'est la dénonciation. Ouais, bah, ouais. Pur et dur. Ouais, bah, c'est très punk parce que c'est frontal. Ouais, montrer l'hypocrisie. Enfin, ouais, oui, c'est ça. Puis lui, le côté commercial, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ouais. Il fait son bonhomme de chemin, il en fait carrière depuis. Ouais. Puis même le look, c'est le look Didier Super, c'est, oui, c'est déjanté. Complètement décalé. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui s'en balance de ce qu'on pense de lui. Ouais. Mais quand il est rendu à ça, c'est loin. Là. C'est quelque chose vraiment de très dépouillé, tant mieux. Ouais. Et toi, as-tu beaucoup de projets à venir Des projets là? Oui. Bah, je continue de faire l'use. Après, je continue à faire des images avec mes titres. Après. Non, mais là, j'ai tout à reconstruire. Il faut que je trouve des concerts, après... T'as-tu beaucoup de concerts à venir? Ben, faut que j'en cherche. Ok, ouais. Ok. Mmh. Est-ce que c'est le téléphone qui sonne ou c'est toi qui vas vers les... Ben, des fois, c'est un peu les deux. Ok. Ouais. Mais là, c'est tranquille ces temps-ci. Ouais. L'été, normalement, les artistes vont en tournée ou s'en vont en région. Ben, là, j'ai une date chez un disquaire. Et après... Mais non, mais il faut que je retrouve un producteur, faut que je retrouve... Ah ouais, c'est pas facile. Non. Ouais. Mais t'as-tu une petite idée ou pas encore? Faut que je joue. Après, si, il y a un producteur qui m'a contacté là, mais c'est un tourneur. Ok. Ah, ben c'est bien le tourneur parce que c'est lui qui te place sur scène. Ouais, exactement. Puis c'est rare les tourneurs. Ah, bah oui. Mais comment ce tourneur-là est venu vers toi? Ah, parce que je joue souvent au Petit Théâtre du Bonheur. C'est, ah, un, oui, c'est un lieu qui est là-haut. Je sais pas si tu connais. Oui. Ah. Belle petite salle. Ouais, moi j'y joue quand je veux. Enfin, c'est des copains. Ah, j'y ai joué et puis ils m'invitent. Il y a quelque chose à faire. C'est d'une des amies. Okay. C'est un peu ma deuxième maison. Ah oui, ok. C'est un peu mon chalet. Ah, j'ai l'impression d'habiter dans la vallée. Ah, j'habite en bas et puis quand je monte, ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, l'hiver, quand il neige, des fois il n'y a pas de neige en bas où je suis et puis quand tu montes là-haut, il y a tout ça. Je sais pas si je t'ai posé à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je te l'ai posé cette question. Oui. Ok. Bah oui, je prendrais le même chemin, mais je ferais des choses plus. J'aurais chanté plus tôt, j'aurais écrit plus tôt. Ah oui, c'est ça, ok. Ouais. Oui. Parce que tu trouves que tu as été un peu trop lent là-dessus. Bah, je me faisais pas assez confiance. Hein. C'est en grandissant qu'on se fait confiance. Oui. Ouais. Et c'est aussi en se comprenant soi-même. Ouais. En se comprenant. Ah oui, oui, pas. En sachant qui on est. Qui on est, oui. Ouais. D'ailleurs, on est beaucoup plus. On est beaucoup plus capable de faire les choses. Les gens, on s'auto-cristallise. Donc c'est les gens qui te cristallisent. Ouais. Combien de fois on m'a dit Stéphane, ne chante pas, tu chantes faux. Donc du coup, tu y crois. Ah oui, ben oui, ben oui, parce que eux le savent. Toi, tu te dis, ben, comme je suis trop près de mon personnage, comment je peux le savoir? Eux ont entendu, eux peuvent juger, pas encore là. Ou alors, qui suis-je pour juger? Ou alors, souvent, on disait, mais non, toi, Stéphane, t'as un groupe à guitare. Donc du coup, quand tu te mets au clavier, ben non, tu te restes à la guitare. Ah oui, bien, c'est ça, ok. Ah, mais toi, quand t'es sur scène, tu préfères, tu prends autant la guitare que le clavier? La guitare. Ok. C'est plus, ouais. Ok. Ouais, c'est évident. Est-ce que tu fais souvent uniquement guitare-voix ou si t'aimes avoir un petit orchestre? Guitare-voix, ouais. Je fais deux ou uniquement guitare-voix? Oui. C'est assez nouveau. Bah, justement, le Petit Théâtre du Bonheur, c'est ça qui est bien là-bas parce que là-bas, souvent, je prends l'acoustique et puis je chante. Un truc que je faisais pas avant. Il fallait absolument un batteur, une batterie, enfin un bassiste, il fallait que je sois entouré de musiciens. Ouais. Et depuis un an ou deux, ouais, je m'exerce là-bas tout seul. Et, Sais-tu que j'organise depuis 3 ans des spectacles sur un banc public sur la rue des Abeilles? Un banc public? On prend un banc public, on place les micros et on fait le répertoire du chanteur. Il y a quelques chanteurs. Ouais. Et j'aimerais ça que tu viennes nous chanter quelques pièces. Ah bah avec plaisir, oui. Alors c'est soit mercredi ou samedi. Mercredi qui vient? Oui, à 20h. À 20h. à la bouche du métro des Abeilles. D'accord, oui. Oui. Mais vous avez l'autorisation, ça se passe comment? Non, on n'a pas d'autorisation. On se plante là, puis on chante, on place les micros, puis ça se fait vers 20h, puis ça se termine. D'accord. Juste acoustique. Il y a un petit ampli ou... Pas du tout. Non, non, non. C'est les micros et c'est la guitare. D'accord. Est-ce que tu veux venir? Bah ouais, pourquoi pas. Ok. Mercredi? Mercredi. Ou samedi? Samedi. Attends, mercredi, bah ouais, mercredi, ouais. Ok, parfait. Alors je te place. Veux-tu que je t'envoie un petit message ou tu vas t'en rappeler? Ouais, ouais, un petit message comme ça, ça va bien. Ok, parfait. Histoire de te rappeler que c'est... Ok, parfait. Alors j'ai hâte d'entendre le répertoire sur scène. C'est intéressant. Alors, as-tu beaucoup de chansons dans le tiroir pour un prochain album? Ah oui, j'en ai. Ou tu veux avant tout faire des spectacles pour... Bah, je sais pas, j'ai peut-être une quarantaine de chansons. Hein. Qui somnolent. Bah, qui sont dans un tiroir, qui sont là. Ouais. Est-ce que tu les fais sur scène? Pas d'ouf. Bah, en ce moment, j'en fais 18, 17. Les chansons que tu proposes sur un album, est-ce qu'ils ont été déjà faites en spectacle pour pouvoir les roder, pour pouvoir modifier, pour pouvoir te sentir à l'aise quand tu rentres en studio avec... Bah, quand j'ai fait mon premier album que tu as... Oui. Service, là, et j'ai jamais joué en concert. Jamais. Enfin, C'était studio, ensuite concert. Studio, ouais. Et là, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. J'ai déjà joué en concert. Donc, ça donne peut-être plus d'énergie. Une autre facture. Une facture, ouais. Tu sens que tu es plus à l'aise et que les mots ont voyagé, que la musique est... Et plus abandonné, donc tu te sens à l'aise là-dedans. C'est pas quelque chose qui a été avant tout en studio, puis après ça sur scène. Donc la chanson a vécu. Ouais, c'est ça l'intérêt. Ouais. Ah ben c'est super intéressant. Ouais. Donc est-ce que tu prépares un nouvel album ou si t'es pas encore rendu dans ce move-là? Ah si, ouais, bon l'album il est prêt, j'ai trouvé toutes les chansons. Ok. Après là. Mais il est pas enregistré encore. Voilà, en ce moment c'est est-ce que j'attends un producteur? Est-ce que je signe dans une maison de disque ou alors je sors moi-même, autoproduit ou alors je ne sais pas encore. Ok. Mais ce que tu fais, le prochain album, c'est guitare-voix ou avec des musiciens? Des musiciens, pas sera moi tout seul, mais je fais la basse et la batterie. Mais... Ok, tu fais tout? Ouais. Ok. Alors il n'y a pas de musicien qui se greffe à toi? Bah, sur scène, si, mais pas en studio. Pas ok. Ok, tu es l'homme orchestre? Ouais. Bah oui. Est-ce que tu maîtrises autant les autres instruments que la guitare? Non, surtout la guitare. Mais après, je joue du clavier avec une main, toi, c'est très... Ok, ouais. Enfin, je suis pas vraiment pianiste, mais après tu te débrouilles, tu bidouilles des bidouilles, trucs. Ouais. Écoute, on se voit mercredi. Mercredi, ouais. Et puis, est-ce que je peux prendre des photos, histoire de mettre une boule sur... Ouais, ok. Ça, je suis bien coiffé. Oh! C'est pas... Bah ouais, c'est vrai, si tu veux... Bah ouais, c'est super. C'est comme Didier, c'est super. On va en prendre quelques-unes, ok? On va choisir. Ouais. Ben, je choisirai, Ouais. Encore quatre. Dernière. Et elle veut pas. Ah, ah parfait. Ouais. Merci. Alors, tu fais autant de chansons que tu veux, mercredi. D'accord, on va peut-être 5-6, ouais. Pardon? 5-6. Excellent, excellent. Ouais. C'est ce que je propose, mais je laisse toujours l'artiste. Mais on dirait que c'est instinctif. 5-6. Voilà. Parfait. Merci. Encore une fois, embrasse-moi. Si tu m'aimes, je sais bien. Oui, je sais bien. Je me souviens plus très bien. Et toi, tu vois bien. Je te touche et toi, tu dors encore. Fiche complet à l'hôtel, du dos tourné. Ça te dérange pas dormir sans moi? Pour une fois, regarde-moi. Quand je t'aime, je sais bien. Oui, je sais bien. Je me souviens plus très bien. Et toi, tu vois, on ne sourira pas comme dans Casablanca. Et l'amour dans tout ça. affiche complet à l'hôtel du dos tourné. Ça te dérange pas dormir sans moi? Défaut, tu pleures à ta guise. mini-crocodiles, les mortes eaux. Des rares bateaux qui restent à quai. Arrête ta mélodie, toujours la même parodie. Arrête ta mélodie, toujours la même parodie. Des bonheurs en friandise, de la guimauve, de celle qui colle aux gencives quand t'es sur la photo. Quoi que tu en dises, tes rêves d'intérieur meublés en kit. Arrête ta mélodie, toujours la même parodie. Arrête ta mélodie, toujours la même parodie. On ne choisit pas sa vie sur catalogue. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.